s'est cahuté dans son émission La Voix des immigrants, reçoit aujourd'hui Monsieur Mbaki Brown. Monsieur Mbaki Brown, c'est un Congolais qui a travaillé dans le secteur culturel comme administrateur dans une structure qui offrait des services aux artistes. Donc, il a été en permanence en contact avec les artistes. Monsieur Mbaki, vous avez immigré aux USA depuis 2010. Parlez-nous un peu de vous et de votre voyage pour aller vous établir aux USA. Merci, Monsieur Jean-Pierre, pour la question et pour l'opportunité que vous m'offrez devant votre micro. Je suis Monsieur Mbaki, comme vous l'avez dit, de mon nom de famille, et je suis économiste de formation et j'ai travaillé dans les secteurs culturels, comme vous l'avez bien dit, et j'ai immigré aux États-Unis depuis 2010 avec ma famille. Donc, c'était par la voie de la Develoterie. Donc, on avait joué comme tout le monde et puis on a gagné. Alors, on a décidé d'aller s'installer là-bas. Donc, c'était par ces mécanismes que nous nous sommes installés depuis 2010 aux USA. Donc, voilà comment est-ce que nous sommes arrivés là. Et aux USA, dans quel état habitez-vous? Nous sommes basés à Maryland. Maryland, c'est parmi les États qui forment la région métropolitaine de Washington, D.C., des capitales. Donc, nous ne sommes pas très loin de D.C., pas très loin de Virginie, pas très loin de Philadelphie. Donc, nous sommes à la côte est. Donc, et la ville où nous habitons, c'est la ville de Silver Spring. C'est à 30-35 minutes de la Maison Blanche. C'est là où nous sommes basés. Et après avoir gagné à la Divi, donc la loterie que les États-Unis organisent chaque année ou après 2 ans, je ne sais pas Chaque trop. année. C'est chaque année, oui. Quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour aller vous établir effectivement là-bas? Bon, ça se passe. Pendant le mois d'octobre-novembre, le jeu est lancé et ouvert. Alors, tout le monde joue électroniquement et on attend jusqu'au mois de mai de l'année qui suit pour avoir les résultats. Donc, chacun peut aller sur le site et taper son numéro pour savoir s'il a gagné ou pas. Dès qu'on a gagné, il y a un message qui dit que voilà, congratulations, félicitations, vous avez gagné. Et il y a une lettre qui est déjà préétabli et vous pouvez l'imprimer. Et tout part de là. Alors, maintenant, pendant que l'année, l'exercice commence au mois de septembre, et c'est là où les démarches commencent, vous devrez normalement attendre parce qu'il y a des numéros d'ordre. L'immigration aux États-Unis programme des rendez-vous dans des ambassades où vous avez signalé que vous allez passer, vous allez faire vos formalités par rapport à votre numéro d'ordre. Si votre numéro, c'est parmi les numéros qui sont les premiers, écoute, au mois de septembre, novembre, on peut déjà vous appeler et faire des formalités. En 2 mois, vous pouvez tout finir et puis, si vous avez les moyens, vous pouvez voyager. Donc, nous étions parmi des numéros qui étaient vraiment à la fin, des numéros de la fin. Donc, on a gagné en 2008. On nous a appelé, on a commencé les formalités en 2009. Alors à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où vous devez envoyer, vous devez amener tous les documents à l'ambassade au jour de l'interview. C'était d'abord, fallait envoyer des documents, votre identité, les documents scolaires aux États-Unis par DHL. Et quand ils auraient examiné tout et puis ils envoient ça à l'ambassade, ils vous écrivent votre date de rendez-vous, c'est tel jour. Vous devez vous munir de votre diplôme d'état d'abord. Les DV1 devaient d'abord se présenter à l'ambassade, avait muni de son diplôme d'état, traduit en anglais, bien sûr. Et bon, voilà. Et dès qu'ils ont les diplômes, parce que c'est la condition sine qua non pour tout immigrant d'entrer aux États-Unis, faut qu'il y ait un diplôme d'État ou un équivalent ou un certificat d'aptitude professionnelle. Donc, quand vous y allez avec votre diplôme, et ils vont prendre ça, ils vont faire des investigations au niveau des ministères de l'enseignement pour savoir si réellement ce diplôme est valable. Dès qu'ils trouvent que c'est valable, ils vous envoient aller faire des examens médicaux dans leurs centres respectifs. Notamment à Kinshasa, c'était le SEMKA et l'hôpital polyclinique de la Gombe, de Kinshasa plutôt. Donc, quand vous y allez, vous faites tous les examens. Il y a des fois où on ne sait pas quels examens ils font, mais bon, eux-mêmes, ils savent. Et les résultats, c'est sous pli fermé, et ils envoient ça à l'ambassade. L'ambassade va voir si vous avez, vous n'êtes pas, vous n'avez pas des maladies qui peuvent compromettre La santé la santé publique. publique. Et ben, et si tout est OK, et ils vérifient, je suis sûr qu'ils vérifient aussi la paternité des enfants, que si vous avez des enfants et que vous voulez voyager avec des enfants, je pense qu'ils font aussi l'ADN pour voir si c'est réellement vos enfants. Et c'est après maintenant qu'ils vont vous demander d'amener les restes de documents. Si vous êtes marié, selon les cas, l'acte de mariage, voilà, le certificat de naissance des enfants et tous ces documents-là. Et tout doit être traduit de l'anglais, des français en anglais. Et vous amenez ça le jour de votre interview. Et c'est là où ils vont procéder à la présence physique pour voir si c'est bien vous et que cette famille-là mérite d'être appeler une famille et qu'il n'y a pas d'ambiguïté ou de tricherie. Donc, si tout est OK, ils vérifient là où vous allez, eh ben, il n'y a pas beaucoup de choses à défendre là-bas et puis on vous accorde les visas. Si tout est OK. Donc, c'est ça la procédure. Mais en termes de coûts, c'est aller prendre les documents par-ci par-là, aller faire des examens, envoyer tout ça. Donc, du coup, c'est vraiment un investissement. Donc, moi, je me rappelle, tout compte fait, bon, on est allé, une famille de quatre, on est allé jusqu'au-delà des 10 000 dollars. Donc, beaucoup de gens aussi, des fois, ils gagnent, mais ils ne voyagent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens pour soutenir chaque document quand ils en ont besoin. Ou encore, ils ont gagné, mais ils ont présenté des documents qui ne sont pas authentiques. Ou bien, ils ont triché. Quelqu'un qui est célibataire, qui veut se présenter comme marié avec quelqu'un avec qui il ne s'est pas réellement marié. Malgré le document qu'il présente où il a prié à la commune, mais quand ils font des investigations, ils constatent que ce n'est pas le cas et ils rejettent les dossiers. Donc voilà, il y a deux choses qui peuvent compromettre le voyage, c'est l'authenticité des documents, la fausseté des informations peuvent annuler tout, et puis les examens, et puis l'argent aussi quand ça ne suit pas. Bon, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc quand on a fini, on a accordé les visas. Bon, voilà, vous avez 6 mois pour utiliser votre visa. Donc, si vous avez des difficultés, il faut aller là-bas, faire signe pour qu'ils puissent prolonger votre visa. Mais vous avez 6 mois pour rester au pays avant de voyager. Donc, voilà, c'est à ces stades-là que vous êtes maintenant autorisé à acheter les billets et partir. En arrivant à Maryland, y a-t-il une politique d'intégration? Parce que là, vous venez d'arriver, vous devez vous installer, il y a la langue, peut-être vous parlez l'anglais ou vous parlez pas. Comment ça se passe là? Et aussi, avec ce que vous avez amené comme diplôme, est-ce que c'est accepté directement sur le marché du travail? Comment les choses se passent là? Voilà, c'est là où le grand problème commence. Je pense toute personne qui planifie, qui sait que je vais effectuer un déplacement vers un pays dont la langue n'est pas mienne, je pense qu'il doit se préparer en amont. Voilà, c'est vraiment ça. Ça relève de vous-même, la personne, de vous préparer en conséquence. Donc, quand on va à l'aventure ou on va quelque part, il faut se préparer. Et ils offrent un cadre d'accueil. Quand vous arrivez, vous avez votre statut légal, vous n'avez pas de formalités à faire pour avoir la résidence. Quand je dis résidence, vous comprenez, c'est la résidence en tant que résident permanent, en tant que, voilà, un statut légal. Voilà, donc il vous donne toutes les garanties et tout le droit d'un permanent, d'un résident. Donc, vous avez droit à travailler, vous avez droit à étudier, vous avez droit à louer une maison, vous avez droit à solliciter de l'aide en termes sociaux, vous avez droit. Ivo garantit tout ça. Mais maintenant, le problème, c'est qu'ils ne vont pas vous amener, ils ne vont pas vous prendre à la main et vous dire, hey, toi, tu viens d'arriver, viens, tout ça. Non. Il appartient maintenant aux gens qui vous accueillent, parce qu'on arrive toujours dans une famille d'accueil. Ça, c'est une réalité. Bon, d'autres gens, ils se préparent et ils vont avec leur argent, ils commencent leur vie comme normal. Mais je pense que la majorité d'immigrés, quand ils voyagent, que ce soit aux États-Unis ou partout, ils arrivent d'abord dans des familles d'accueil, soit un membre de famille, soit un ami. Et il appartient à ces gens-là, qui sont déjà là, qui ont passé ces étapes-là, de les donner des informations utiles pour leur permettre, pour faciliter leur intégration. Alors, si vous tombez sur de bonnes personnes, ils vont vous donner vraiment l'essentiel d'informations et c'est à vous de voir, de suivre ou de ne pas suivre. Mais il y a d'autres, quand ils tombent sur de mauvaises mains, on les désoriente et voilà, ça crée un retard et ça peut même les désorienter, les dégoûter même hein, le pays d'accueil. Donc, moi, ce qui me concerne, je sais que j'aime les États-Unis. J'aimais les États-Unis depuis mon enfance. Je ne savais pas que j'allais un jour habiter là-bas. Mais moi-même, en tant que, quand j'étais élève, j'ai prenais des cours d'anglais, non pas parce que je voyais un jour que je vais voyager, mais aussi parce que dans l'option que je faisais, la section commerciale administrative, le cours d'anglais, c'était un cours très important, à côté de français, à côté de comptabilité. Donc, il était de mon devoir, à ce moment-là, quand il y a eu le vent des centres de langue, tout ça, parce que je m'étais rendu compte qu'avec l'anglais l'anglais qu'on nous donnait à l'école, ça, c'était pas assez approfondi. Donc, je suis allé dans des centres apprendre l'anglais, développer parler la langue, parce que je me suis dit, c'est une langue, il faut la parler. Et c'est depuis 90 que je suis allé apprendre cette langue. C'est vrai, on vit dans un pays francophone, même si tu apprends une langue, mais quand ce n'est pas pratiqué, il y a toujours des vides, tout ça, et puis il y a des éléments culturels qui vous échappent. Mais on avait la base. J'avais la base, et à quatrième année des humanités, cinquième année, je parlais déjà, et ça m'aidait dans mes cours à l'école, de briller, d'avoir des bons points, mais aussi à la longue. Ça m'a aidé, ça, c'était devenu comme un métier aussi pour moi. Parce que quand j'ai fini les humanités et j'étais à l'université, bon, on avait besoin de boulot, de faire des petits boulots. Et je m'étais offert ce travail-là, d'enseigner la langue, cette langue-là, dans des petits centres qu'on a créés aussi. Donc, je suis resté en contact avec la langue pendant un bon moment. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, moi, personnellement, je n'avais pas besoin de passer par des cours de langue. C'est vrai, il fallait un peu des nettoyages parce que tu arrives dans un coin où c'est des natifs qui parlent, ils parlent avec une vitesse, ou des fois, il y a un vocabulaire, un jargon approprié que tu ne connais pas. Mais ça n'a pas été un problème, ça n'a pas été un vrai problème. Donc, je me présentais aux services administratifs, sociaux, avec ma famille, quand il fallait s'enregistrer à tel ou tel service, sans besoin d'avoir un interprète. Donc, c'était ça mon avantage. Alors, il y avait une question sur les diplômes. Voilà. Donc, le diplôme, c'est pareil. Le pays vous dit, bon, vous avez étudié, partout vous avez étudié, on ne reconnaît pas ça. Mais si vous voulez qu'on reconnaisse, faites-les passer à l'accréditation. Donc, il faut soumettre vos titres académiques dans des agences, auprès des agences, et ils ont des spécialistes, ils vont évaluer et évaluer cours par cours ce que vous avez eu, le nombre d'heures, le code que vous avez eu et qu'est-ce que ça vous donne comme crédit par rapport à leur standard. Donc, si on évalue, on trouve que, bon, voilà, il a eu le maximum de ce qu'on attend d'un étudiant ou d'un licencié en telle science. Voilà, on valide votre titre et on vous accorde plutôt l'aval pour aller aux études un peu plus avancées. Moi, personnellement, j'en ai fait autant. J'ai soumis mes diplômes. J'avais une licence en économie, en sciences économiques. Et j'ai soumis, ils ont évalué, ils m'ont accordé, voilà, les titres de bachelor. et ils m'ont accordé pour faire le troisième cycle. C'est ce que je suis en train de faire. Quand ils terminent la reconnaissance ou ils font les équivalences, hein, l'évaluation, les équivalences de vos diplômes dans votre pays d'origine, est-ce que ça vous permet d'accéder directement sur le marché du travail? Est-ce que vous pouvez travailler facilement avec ça dans un secteur, soit privé ou public? Bon, c'est ça le grand problème. Je me suis posé cette question moi aussi, parce que quand ils ont évalué mon diplôme m'accordant l'équivalent de bachelor là-bas, pour moi, je me dis, ils vont reconnaître ça sur le marché d'emploi aussi. Donc, quand je vais appliquer sur un travail, ils vont m'engager comme étant un licencié de là. Quelqu'un qui a fait les bachelors de là, qui a fini l'université, les 4 ans de là. Nous, c'est 5 ans. Malheureusement, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Donc, peu importe les crédits qu'ils vous accordent, c'est pour des fins pédagogiques. C'est pour des fins pour aller au niveau suivant. Mais quand il s'agit de l'emploi, de la qualification, ce n'est pas la même chose. C'est ce que j'ai un peu déploré. Bon, écoute, alors quand on arrive quelque part, on se soumet aux lois de ces pays, de là où on est. Donc, cela ne m'a pas donné les titres ou la qualification pouvant me permettre d'avoir le même avantage que celui qui a fait des études là-bas. C'est ça le paradoxe. Bon, voilà. Alors, on fait tout comme tout immigrant, on trouve le boulot qu'on trouve que ça peut nous permettre de vivre sans trop de qualifications. Il y a des boulots, quand on arrive quelque part, tout le monde peut le faire. Même eux-mêmes aussi, les natifs, le font. Mais bon, sans avoir une qualification dans un domaine X ou Y. Donc, voilà. Et parce que là, quand vous arrivez, vous êtes confronté à ce genre de problème, et vous avez des besoins, donc vous devez absolument travailler. Comment s'est fait, la recherche du travail là-bas? Alors, la recherche du travail, moi je vais dire, il y a beaucoup de canaux, il y a beaucoup de réseaux pour aller travailler. Là, le premier, ce qui est vraiment informel, moi je pense que c'est de personne à personne. C'est vraiment une connexion entre famille et amis. Et on connaît des gens qui travaillent déjà dans telle ou telle autre boîte. Et qui ont des bonnes relations avec leurs responsables, leurs managers. Et ils en parlent. Voilà, j'ai un frère qui vient d'arriver. Il y a des boulots où ça n'exige pas d'être au front, d'être en premier plan, en contact avec la clientèle, pour des gens qui ont des problèmes de langue. Et bon, voilà, s'il n'a pas, son boulot ne lui exige pas vraiment une La connaissance communication, des la langues. connaissance des langues. Bon, voilà. Il n'y a pas trop d'exigences. Si c'est un travail manuel et qu'il est derrière ou il n'a pas beaucoup de contacts, bon, voilà, on va pas trop vous demander, vous exiger des qualifications ou encore la maîtrise de la langue. Alors ça, c'est le premier réseau. Moi, j'ai dit c'est le meilleur. C'est le meilleur parce que dans toute la planète aujourd'hui, bon, je parlerai pas des copinages, mais le connexion, la connexion, c'est quelque chose d'important. Vous pouvez arriver quelque part, vous ne connaissez personne, personne ne va vous regarder. Vous pouvez avoir vos titres, vos qualifications ou encore vos compétences, mais il y a personne qui est derrière ton dossier, personne ne va regarder ça. Mais quand c'est quelqu'un qui parle de vous, vu aussi ce que lui il rend à la société, on regarde, on dit non. Celui-là, c'est quand même un employé qui travaille bien, qui nous rend des bons services. Donc, en reconnaissance de ce qu'il offre à la société, donc voilà, on peut facilement vous adopter comme ça. Donc, ça, c'est le premier réseau. Le second tu connais personne, tu vas, bon, quand on arrive, on a besoin des petites aides. Souvent, on va au service social pour solliciter, parce que moi, je suis arrivé avec une famille. Les enfants, comme ils ont déjà droit à la gratuité, à la scolarité, aux soins médicaux, à beaucoup de choses, mais il faut aller vous présenter. C'est pas eux qui viennent vous chercher à la maison. Donc, quand vous allez maintenant là-bas, au niveau des services sociaux, il y a des formulaires où vous appliquez, vous dites tout ce que vous voulez que l'État vous accorde ou vous soutienne avec. Donc, entre autres, le soin médicaux, la scolarité des enfants, comme vous n'avez pas d'emploi, ils offrent des petits subsides pour manger, des petits cash pour soutenir des petits besoins. Mais souvent, c'est pas gratuit. C'est pas comme dans d'autres États, dans d'autres pays où on vous accorde, vous restez à la maison et vous vous reposez. Non. Là-bas, quand on vous accorde ça, c'est temporaire. C'est comme ce qu'ils appellent les TCA, les Temporary Cash Assistant, une assistante temporaire en cash, en liquide. Et quand ils vous accordent ça, selon la taille de votre ménage, selon, voilà, on vous accorde pas de la même façon pour une famille dont la taille est de 6 ou de 5. Donc voilà, ils évaluent et puis ils vous accordent chaque mois un montant et vous verse dans une carte et puis un autre montant pour payer la nourriture. Donc, vous pouvez que acheter la nourriture avec. Vous pouvez pas acheter des habits. Voilà. Mais maintenant, en contrepartie, ils vous demandent d'aller, ils ont un partenaire pédagogique. Ils vous disent, bon, voilà, pendant qu'on traite votre dossier, vous devez aller à telle agence. C'est une agence qui accueille des immigrés, des réfugiés comme ceux qui sont légaux, mais qui n'ont pas d'emploi, qui viennent d'arriver. Et là-bas, il y a toute une série de séminaires, des workshops. Donc, l'équivalent des ateliers qui sont organisés ici Ici, voilà, pour l'intégration. pour l'intégration. Exact. Voilà, dans ces ateliers, vous verrez quoi? On vous accorde de formation et entrée, comment présenter votre résumé, votre CV. CV, oui. Voilà, parce qu'ils disent que c'est le premier instrument pour vous vendre sur le marché d'emploi. Donc, ils vous aident à faire l'équivalence des travaux que vous avez fait au pays, parce que ce n'est pas le même job description. Alors, il faut maintenant Donc, un arriver. peu comme les acquis de compétences. Justement, il faut arriver à. Ils vont tirer de vous ce que vous avez fait au pays et ils cherchent c'est quoi l'équivalent ici et vous aident à formuler ça à des termes bien appropriés pour que ça rencontre le standard d'ici et les termes, la terminologie d'ici pour que quand quelqu'un vous lit ici, comprenne que voilà, ah, le travail qu'il a fait, c'est l'équivalent du travail d'ici. Donc, ça vous donne un peu de chance que vous commencez quelque part, pas à zéro. Alors, à part les ateliers sur les CV, bon, aujourd'hui, on est dans un monde qui lutte contre la qualité de l'environnement. Vous avez comme le Green Job, ça paye aussi. Ils vous donnent des ateliers sur le Green Job, c'est-à-dire l'environnement, le recyclage, parce qu'ils savent que vous venez dans un pays où ce n'est pas une priorité. Il faut qu'on vous apprenne comment utiliser les ressources naturelles de manière rationnelle, comment utiliser le déchet, comment les recycler à la maison. Voilà, ils vous donnent des ateliers comme ça. Il y en a plein, plein, plein, plein. Et ils vous donnent des ateliers sur le moteur de recherche d'emploi. Quels sont les sites où vous devez aller? Quels sont le processus pour chercher de l'emploi, les différentes étapes. Et quand vous cherchez de l'emploi, quels sont les critères ou les clés que vous devez regarder? Donc, il y a ça. Et puis, il y a des jobs qu'on appelle entry-level, c'est-à-dire un emploi qui ne vous demande pas beaucoup de qualifications et vous encourage d'aller vers les entry-levels parce que ça, ils ne vous soumettent pas à beaucoup d'exigences, ça peut vous faciliter. Donc voilà tout un tas de séries. Vous y allez, ils vous payent votre transport, et pendant ce temps, ils vous soutiennent dans les TCA et les food stamps, comme j'ai dit, mais en contrepartie, vous faites ces activités-là. Donc, vous allez le matin, vous rentrez comme quelqu'un qui est allé au travail. Si vous êtes une famille, on peut accepter que l'homme y va ou la femme reste. Bon, si vous avez des recherches à l'extérieur, allez dans des sites vraiment, dans des entreprises ou dans des job fairs, des foires, des foires de l'emploi, ils vous encouragent davantage. Et vous devez totaliser un certain nombre d'heures chaque semaine. Et pendant ce temps, ils continuent à vous soutenir dans ce sens-là. Voilà comment ça se passe. Mais eh ben, si vous avez de l'emploi, ils vous demandent de signaler, de mentionner ça. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus obligé, vous n'êtes plus tenu à aller là-bas. Et à ce moment aussi, ils coupent les tissus, les Les aides, caches temporaires. l'équivalent de Hein. l'aide sociale qu'on peut Voilà. avoir ici au Mais Canada. quand vous avez des enfants déjà, le food stamp, ce qu'on donne pour la nourriture, ils ne coupent pas. Parce qu'ils disent que, bon, voilà, la vie coûte cher, vous avez des enfants, les tissiers, c'est d'abord par rapport aux enfants. Au contraire, ils vont augmenter un peu du côté des food stamps, la allocation pour la nourriture. Et bon, ils vont couper l'assistance temporaire en cash. Bon, pendant ce temps, vous commencez votre vie, vous travaillez, vous pouvez chercher la maison et voilà. C'est comme ça que ça se passe. Oui, vous avez mentionné que il y a deux brèches pour faire la recherche du travail. Un, d'abord, vous bâtissez votre réseau avec vos connaissances, vos amis et tout ça, tous ceux qui se retrouvent dans votre parage. Et puis ensuite, vous avez mentionné qu'il y a un organisme gouvernemental qui vous aide à élaborer le CV selon leurs standards et à mettre en exergue le point attrayant de votre CV. Et puis, il vous montre aussi comment faire des recherches sur Internet et trouver le travail. Mais la question que je voulais vous poser, c'est un peu par rapport à ce qui y a ici, qui est courant ici. Vous pouvez aussi faire les deux démarches-là. Et ensuite, il y a des organismes qu'on appelle ici des agences de placement. Ils sont là, ils ont des bureaux, ils ont des adresses, et puis vous allez, vous faites votre application là-bas. Donc, vous allez vous inscrire là-bas, vous déposez votre CV. Comment ça se passe là-bas? Est-ce qu'il existe des agences de placement dans votre état et comment est-ce qu'ils opèrent? Oui, ils sont là, ils sont partout et ils vous harcèlent de fois parce que dès que vous mettez vos données, vos informations sur Internet, sur un site de recrutement, eh ben, sachez bien que c'est tout le monde qui peut voir ça. Et aussi, si vous avez appliqué directement sur une agence de placement, une agence intermédiaire, bon, ces gens-là, ils font leur travail. Ils vous disent que bon, voilà, par rapport aux informations, nous avons trouvé un travail qui match, qui correspond à ce que vous êtes, et ils commencent à faire des conversations avec vous pour vous amener, pour vous mettre en contact avec l'employeur. C'est ça leur travail. Bon, souvent c'est long, souvent ça réussit, souvent ça ne réussit pas. Donc, mais ils sont comme des intermédiaires entre vous et le marché d'emploi et les employeurs. Mais dès l'instant où ils vous ont mis en contact et que le processus d'emploi commence, parce que là, il y a ce qu'on appelle les screenings. Donc, on doit, je ne sais pas comment dire ça en français, il y a l'emploi qui est, il y a l'offre qui est ouverte, parce qu'avant que vous puissiez obtenir ou solliciter un emploi, il faut qu'il y ait une offre ouverte, publiquement lancée. Voilà, il y a une disponibilité, une demande en termes de personnel, l'entreprise lance l'offre. Les recruteurs ou les agences, ils connaissent, ils ont des informations, ils travaillent avec ces entreprises, et s'ils ont vos données, ils vont vous dire, hey, écoute, il y a un emploi qui est ouvert, il y a une offre qui est ouverte là-bas, voilà, ça match avec vous, voudrez-vous appliquer? Ou bien Appliquer pour ce poste-là. on peut vous aider à À appliquer. appliquer à ce poste-là. Voilà. Ils vous aident, vous avez appliqué. Après, parce que les screenings, c'est on décrit le job description, la nature du travail qu'on peut voir. Ça nécessite quelqu'un qui a telle compétence, tout ça, tout ça. Et ils voient, ils balancent, et puis bon, vous avez appliqué. Quand l'application finit, quand ça commence au niveau de l'étape de l'interview, ou encore d'autres, ils procèdent par l'examen, il y a des examens. Bon, l'examen, ce n'est pas forcément un examen sur le plan des compétences spécifiques. Ça peut être un examen, des questions, des examens psychotechniques. Voilà, où on veut voir quelqu'un qui va travailler, par exemple, sur les chiffres. On veut voir seulement si vous avez une base numérique. Numérique, Voilà, de des réflexes, réflexes. Vous allez travailler sur une l'argent. logique qui va Quelle est la de... logique que vous avez en matière des opérations numériques? Bon, vous voulez travailler sur les aéroports. Je pense quand même il est normal qu'on vous pose des questions sur des codes aéroportiers. Donc, voilà un peu la géographie aussi. Tu vois? Donc, il y a tout ça, mais souvent, c'est des questions à caractère général pour voir comment vous réfléchissez. Ou bien sur le solving problem. Comment vous pouvez résoudre un problème quand vous êtes engagé? Il y a tel problème qui éclate. Bon, vous, en tant que, voilà, vous êtes avec vos collègues, comment vous pouvez résoudre un tel problème? On voit si vous pouvez apporter des solutions au problème à l'entreprise. Donc, quand il y a, après les screenings, quand il y a l'examen qui commence, eux, ils ne sont pas là. C'est toi avec ton employeur. Donc, ils t'ont mis en contact avec ton employeur. Tu passes l'étape de l'examen, il y a toujours une étape d'interview. En tout cas, généralement, quand on sélectionne les best candidates ou bien ceux qui ont rempli le profil qu'il faut, en tout cas, il y a toujours cette ultime étape de l'interview. Donc, vous allez, vous faites l'interview, ceux qui vont convaincre, ceux qui vont bien se vendre, on les engage. À ce moment-là, vous devenez engagé. Alors, eux, leur travail, c'était fini. Mais ils ont une mainmise dans quel sens? Parce que quand ils traitent avec les entreprises, s'il y a un taux reconnu que voilà, un agent de comptabilité, un comptable de première classe, quand il est engagé, le minimum qu'on peut le payer, c'est 15 dollars par exemple. Bon, au parleur, à l'heure, 15 dollars à l'heure, eux, ils ont déjà négocié tout employé qui vont amener à l'entreprise. Si c'est payé 15 dollars, donc vous n'aurez pas 15 dollars, vous aurez peut-être 13 dollars. Les 2 dollars, ce sont leurs émoluments. Et ils vont percevoir cette différence-là pendant combien de temps? Ben, je pense que ça, tous les temps que vous travaillez. Hein. Parce que si vous travaillez, vous avez 15 dollars l'heure et que l'entreprise vous paye 13 dollars, le temps que vous travaillez, que l'entreprise vous paye 13 dollars, eux, ils ont les 2 dollars là. Bon, ou bien si c'est en termes de pourcentage, parlons en termes de pourcentage, parce que si on parle en termes de valeur nominale, c'est pas vraiment du tout correct. Parlons en termes de pourcentage. Peut-être ils ont des clauses, c'est-à-dire l'employé que vous nous avez amené, son salaire que nous payons, c'est 100%. Mais il ne perçoit pas les 100%, il perçoit par exemple 90%. Dans les 10%, c'est pour eux. Voilà, je ne sais pas juste, je dois vérifier, je suis pas sûr. Je ne sais pas quelle est la durée de vie de ces contrats. Là, je dois vérifier honnêtement, mais je pense que quand c'est signé comme ça, et ils continuent à percevoir de l'argent sur vous. Par contre, si c'est vous-même qui êtes en contact avec l'employeur, sans passer par des intermédiaires, vous auriez votre salaire. Mais aussi, j'ai eu le temps de parler avec un ami qui travaille et on comparait. Je me dis, mais j'ai observé dans une entreprise X comme ça, aux États-Unis, dans les bâtiments là où nous travaillons, j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que cette société-là, je vois, il y a trop des intermittents, il y a trop des temporaires. Ils engagent plus de temporaires et puis après 3, 6 mois, tu le vois plus, tu vois une autre vague des temporaires qui arrivent, tout ça. Est-ce que, comment vous sentez-vous en sécurité par rapport à ce genre d'emploi? Il dit, c'est ça le problème. Il dit, souvent, ces gens-là, ils viennent par des agences. Ils négocient, ce sont des agences qui négocient leurs contrats. Alors, souvent, quand ils ne sont pas performants, on ne renouvelle pas parce que c'est des contrats renouvelables. Il dit, moi, par contre, j'ai été engagé directement au niveau des ressources humaines de l'entreprise, donc je suis permanent. Et puis, mon salaire diffère de ces gens-là. Donc, il y a deux facteurs. Non seulement la réduction du salaire, mais aussi il y a la sécurité de l'emploi aussi qui est aussi un élément à souligner là-dessus. Donc, ces agences de placement gardent un contrôle sur les travailleurs qu'ils fournissent à l'entreprise, mais est-ce qu'il y a un temps précis que ces agences lâchent les travailleurs au cas où l'entreprise trouve qu'il est performant, le travailleur est performant et ils peuvent le garder? Est-ce que maintenant, là, le travailleur peut dépendre directement de cette entreprise où il y a toujours cette mainmise de l'agence de placement. Bon, je pense qu'il y a toujours une période de probation, une période comment on dit, une période d'essai. Donc, souvent dans certaines compagnies, dans la plupart des compagnies, quand on vous engage, on vous accorde un temps. On dit que, bon, voilà, vous êtes pendant votre période d'essai, 3 mois, 6 mois, selon les cas. Et dès que cette période-là est passé et que vous avez satisfait aux attentes de l'employeur, eh bien, il signe maintenant un contrat permanent. Donc, vous devenez un employé permanent. Je pense aussi c'est le même cas avec ces agences-là. Quand les entreprises engagent via ces gens-là, ils ont aussi une période d'essai. Donc, ils se disent, bon, pendant 6 mois, et on engage la personne, on va voir s'il sera performant ou pas. Mais dès que l'entreprise valide vos compétences et qu'il vous accepte comme étant son employé, l'effectif parmi l'effectif de son entreprise, je pense que vous ne dépendez plus de lui. Même pire, quand on vous engage, l'agence ne viendra plus pouvoir ou encore interférer entre vous. C'est vous avec les ressources humaines. Eux, ils n'ont qu'à percevoir leur commission. Donc, leur travail a été fait de vous mettre en contact. C'est comme les courtiers d'assurance ou les courtiers en termes de recherche des maisons. Ils vous mettent en contact avec le bailleur, vous signez et il perçoit ce qu'il doit percevoir. Mais il viendra pas chez vous pour dire est-ce que il entretient bien la parcelle ou pas. Non, il part. Il a autre chose à faire. Il ne revient plus. C'est la même chose aussi. Donc là, les agences de placement se limitent à vous mettre en contact quand toutes les formalités de validation sont atteintes et puis on trouve que vous pouvez faire partie intégrante de la société. Ils se dégagent de leurs responsabilités et Exact. vous devenez sous la responsabilité entière de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, c'est ça? Exact, c'est ça. Donc, ils n'ont plus rien à faire. Ok. Alors, parlons de salaire dans votre État. Quel est le salaire minimum qu'on accorde dans votre État, prenons pour un travail général? Ouais, pour un travail général sans qualification, ils disent que le minimum qu'on peut payer, c'est 10 dollars l'heure. Mais vous allez trouver dans certaines boîtes privées, tenues par des particuliers, bon, qui continuent encore à payer 9 dollars, 8 dollars. Bon, voilà. Il y a un taux démographique très élevé aujourd'hui. Il y a un taux élevé des immigrés. Et je crois que le marché d'emploi est devenu un peu. Il faut bousculer pour entrer. Donc, écoute, il y a d'autres qui profitent de ces éléments-là pour offrir moins. Mais depuis, je pense, depuis 2010 ou 2011, le SMIG, le taux minimal qu'on a exigé aux employeurs de payer, c'est 10 dollars l'heure. Mais tu vas trouver, dans certains coins, on paie encore 8 dollars, on paie encore 9 dollars. Et ça dépend d'un État à un autre. Ça dépend aussi du coût de la vie. À Maryland, c'est 10 dollars l'heure, le minimum. Actuellement, nous avons lu sur Internet et même sur le média, il y a un vent aux États-Unis qui, dans certaines villes, qui veulent amener le salaire, donc le SMIC, à 15 dollars de l'heure. Est-ce que êtes-vous au courant de ces États qui sont en train de travailler dans ce sens-là pour amener petit à petit, ils ont établi un planning pour amener le SMIC à 15 dollars. Oui, je suis au courant de ça. Il y a, par exemple, tout cela, ça s'est passé parce que quand il y a ces revendications, il y a toujours en amont un problème ou encore une crise. Donc, il y a eu la crise chez Walmart qui payait pas bien ses agents et qui ne voulait pas encourager le mouvement syndical. Tu vois, il y a eu aussi, je crois, à Target. Target, c'est parmi des entreprises, comme on les appelle, les discount stores, qui offrent beaucoup de discounts à la clientèle et ça leur permet de faire beaucoup de recettes. Mais quand il faut traiter et rétrocéder ces recettes aux employés, ils n'ont pas la même politique. Donc, c'est pendant qu'il y a eu ces crises-là et les employeurs ont commencé à exiger. Et voilà, qui doivent être payés à 15 dollars à l'heure. C'était des revendications qui sont venues de partout dans beaucoup d'États. Je me rappelle, il y a chez nous, il y en avait. Je me rappelle à Texas, Californie. Il y a beaucoup d'États où c'était vraiment une sonnette d'alarme. Bon, le président Obama, dans sa politique, pour lui, ce n'est pas un big deal, ce n'est pas un problème. Il a demandé personnellement aux entreprises d'augmenter les salaires. Les minimums, on est passé, je crois, de 7 ou de 8 dollars à 10 dollars à l'heure. C'était entre 2 ans ou 3 ans, parce qu'en 2008, c'était 8 dollars. Maintenant, en 2011, ils ont dit non, non, non, il faut, c'est ça, 10 dollars. Et il a demandé officiellement, et c'était lors d'une adresse qu'il avait fait aux entreprises, aux responsables d'entreprise, à la chambre de commerce, pour demander aux entreprises de hausser le salaire jusqu'à 15 dollars. Pour lui, il y a toujours des retombées sur le plan économique et sur le plan. C'est-à-dire, il y a toujours un gain que l'entrepreneur ou l'employeur. Gagne en payant plus à l'agent. Il a démontré ça. Et bon, voilà, il y a des avancées dans ce sens-là. Bon, voyons voir dans les 2 ans qui suivent si cela va être fait. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont emboîté les pas, qui ont suivi. J'ai suivi dans beaucoup d'États du côté ouest, du côté des Nevada, du côté de Californie, du côté. Vraiment, ils payent bien. Ils payent bien. Et en retour de la demande du président Obama, est-ce que c'est quoi le mouvement des entreprises? Ils demandent des subventions, ils demandent qu'on essaie de baisser les taxes, parce que nous savons que les entreprises veulent toujours gagner de plus en plus. Quelle a été la réaction dans ce sens-là? Bon, il y a certains ont compris, d'autres ont compris, d'autres n'ont pas encore compris. D'autres aussi sont limités par le moyen d'expansion. Écoute, quand tu payes à tes employés, quand tu payes, regarde, tu payes 10 dollars, que tu payes 10 dollars, tu payes 15 dollars, dans ce que tu payes là, il y a toujours des taxes fédérales, il y a toujours des taxes de l'État que l'entrepreneur, l'employeur coupe À votre dans votre fiche de paye oui. qui va à l'État. Donc, cela veut dire, si vous payez plus, donc plus l'État va gagner, et plus vous versez à la caisse de l'État, plus l'État aussi vous reconnaît certaines exonérations, vous accorde certaines subventions et accorde ça, il a un regard sur vous. Parce que si on ramène ça en termes d'individus, ce qui se passe aux États-Unis, c'est quoi? Plus vous payez en termes de taxes, plus à la fin de l'année, l'État vous fait ce qu'on appelle les tax refunds. Il vous rétrocède une partie de ce que vous lui avez rendu. Moi, en tant que businessman, en tant que gestionnaire et économiste, je comprends ça d'une autre manière. C'est comme si c'est de la même façon quand nous déposons de l'argent en banque, en termes d'épargne, nous prêtons de l'argent à la banque. Nous, c'est nous qui sommes de bailleurs de fonds. Donc, ton argent qui est resté en banque pendant des temps et des temps, la banque collecte nos épargnes et il le redistribue à ceux qui cherchent des financements pour opérer dans le secteur économique. Donc, l'État aussi fonctionne de la même façon. Vous avez fait de l'argent et vous avez versé à la caisse de l'État en termes de la sécurité sociale, et en termes de taxes de l'État, en termes de taxes fédérales. Il y a beaucoup de choses là qui interviennent. Et c'est avec cet argent qu'on paye ceux qui ne sont pas actifs, ceux qui sont invalides, ceux qui sont les couches défavorisées, eh ben vous prêtez de l'argent à l'État. Donc à la fin, l'État s'est dit, bon, ok, votre argent, j'en ai utilisé, j'ai investi, j'ai placé, j'ai donné aux banques, ils ont travaillé avec, et bon, en contrepartie, bon, je ne vous retourne pas à 100%, mais je vous fais un refund comme étant, voilà, un bonus, là, ils vous accordent à la fin de l'année. Vous êtes content, parce que quand vous payez vos taxes, vous savez que c'est à sens unique. Mais quand à la fin de l'année, vous déclarez vos taxes, vous avez quelque chose en main, ça vous donne un peu de la joie. Vous dites, oh, voilà, j'ai de l'argent en main, mais ce n'est pas exactement ce que vous avez payé. Donc, les entreprises aussi, c'est pareil. Ils perçoivent de l'argent au nom des employés, ils versent à l'État. Et plus vous versez à l'État, plus quand vous avez des programmes pour investir, pour chercher des allocations, l'État vous accorde. Parce que vous avez une responsabilité sociale, vous intervenez dans des secteurs souvent où l'État devait intervenir, et bon, voilà, surtout des entreprises sont à caractère à responsabilité sociale, et qui interviennent dans les secteurs sociaux, l'État accorde des subventions. Donc, voilà, c'est win-win. Revenons un peu sur les agences de placement et les entreprises. Est-ce que y a un mouvement syndical dans les agences de placement? Bon, je dirais pas dans les agences de placement, mais plutôt dans des entreprises. Parce que les agences, et ils n'ont pas besoin d'organiser des syndicats. C'est coûteux. Et bon, voilà. Et ils sont seulement des intermédiaires pour faire la rencontre de l'offre et de la demande d'emploi. C'est tout. Ils perçoivent ce qu'ils doivent percevoir. C'est tout. Ils n'ont pas besoin d'organiser des syndicats. Mais par contre, au sein des entreprises, on a des syndicats, ce qu'on appelle là-bas les unions. Les unions, ça existe. Donc, quand vous travaillez, si vous voulez adhérer, on vous dit, quand vous venez, il y a certaines entreprises qui n'encouragent pas cela. Moi, ma femme travaille à Target et là-bas, il n'y a pas vraiment un encouragement vers les unions, vers l'esprit syndical. Bon, mais dans d'autres coins, dans d'autres entreprises, il y a des syndicats, des mouvements, des syndicats, où quand vous arrivez, vous adhérez, vous avez des cotisations que vous versez. Quand vous êtes lésé dans vos droits, en tant qu'employé, vous pouvez saisir les syndicats pour défendre vos droits. Ou bien si ce sont des négligences, des masses, des mouvements des masses, ou l'employé ne respecte pas ses engagements, les syndicats peuvent gréver. Grévé, puis revendiquer, mais les agences, ils n'ont rien à voir avec ça. Concernant les immigrants, Quel est le secteur où ils ont la facilité d'être placés ou de trouver directement un emploi? C'est dans le secteur privé ou dans le secteur public? Et dans l'un ou l'autre cas, quel genre de traitement ils reçoivent là en termes d'intégration? Est-ce qu'il y a discrimination ou on les prend à juste titre? Bon, je dirais n'importe quel secteur embauche ou reçoit n'importe qui. Bon, ce qui est bien aux États-Unis, quand vous êtes reconnu comme étant légal, comme étant permanent, il y a des statuts, hein, et il y a d'autres qui sont des citizens, soit nés, soit par naturalisation. Il y a d'autres qui n'ont pas la citoyenneté, mais qui sont permanents, comme moi, je suis résident permanent. Je ne suis pas citoyen américain, je suis citoyen congolais. Et il y a d'autres aussi qui ont ce qu'on appelle le work permit. Il est venu, il n'a pas de papier, il demande l'asile, il fait une demande d'asile. Et pendant qu'on traite son dossier, bon, on reconnaît quand même un certain nombre d'éléments qui sont en voie, des promesses. On lui accorde un work permit, c'est-à-dire un Un permis permis de pouvant, travail. voilà, lui permettant de travailler. Donc, c'est renouvelable chaque 2 ans. Donc, voilà. Alors, dans n'importe quel secteur, vous pouvez travailler. Mais si je dois dire que c'est le secteur privé, c'est plutôt par rapport à certaines exigences, à certains requirement, comme on dit, dans le secteur public. Les entreprises, ce qu'on appelle les entreprises ou encore travailler dans le gouvernement ou les agences de gouvernement ou encore dans les agences fédérales qui sont purement des services publics, des fois, on vous demande d'être citoyen. On vous demande, il y a certains, aller travailler par exemple dans des bâtiments comme dans le State Department, aller travailler dans le gouvernement ou dans des ministères, ou comme on appelle chez nous les départements, département d'État, ou travailler dans les FBI, travailler dans la Banque mondiale, ou je sais pas. Il y a beaucoup de secteurs où on exige d'être citoyen américain. Alors là, la discrimination n'est pas par rapport à votre statut, c'est par rapport à la nature du travail que vous devez faire. Il y a des informations, caractère secret. On veut que ça soit un Américain. Bon, parce que on sait que, bon, voilà, il a un attachement plus important à la nation que quelqu'un qui n'est pas citizen. C'est dans ce sens-là. Moi, je trouve ça normal, mais on ne limite pas. On ne limite pas quelqu'un. Non, toi, comme tu es immigré, tu ne peux que travailler dans le secteur public ou tu peux travailler dans le secteur privé. Là-bas, c'est les compétences. Il y a un travail qui est fourni, il y a un travail, il y a un poste qui est ouvert. Eh ben, si tu trouves que, voilà, tu réponds à ces critères, il y a d'autres immigrés qui ont travaillé, qui ont étudié là-bas, qui n'ont jamais été citoyens, mais ils ont plus de compétences que les natifs. Si tu mérites ça, on te donne. On te donne. Donc, il y a pas de discrimination, c'est la compétence, c'est la compétitivité. Quand tu as des avantages comparatifs par rapport à un Américain, on ne va pas dire que c'est un Américain, on te prend. C'est tout. C'est ça la règle. C'est ça l'avantage des États-Unis. Et dans le secteur privé, comment ça, cela se passe quand vous êtes un immigré, vous travaillez et il y a un permanent, enfin, celui qui a un statut La citoyenneté. de qui a la citoyenneté, qui travaille dans cette même entreprise pour le même poste, par exemple. Et que vous n'êtes que quelqu'un qui est encore sous le contrôle d'une agence de placement. Est-ce que par rapport au traitement du salaire, est-ce que ils ont le même salaire ou les salaires diffèrent de ce que celui-là est venu par l'intermédiaire, donc agence de placement, et l'autre est directement engagé par l'entreprise? Comment ça, cela se passe? Bon, je crois avoir dit que ce que les agences perçoivent en termes de pourcentage, sur les salaires des employés qu'ils amènent à l'employeur. C'est pour, je pense, c'est par rapport à un temps. Mais dès que cette période-là est passée et que vous avez renouvelé, vous avez signé de manière permanente, on vous reconnaît comme étant permanent, je pense que l'affaire de l'agence est finie. Parce que je ne pense même pas que les entreprises accepteraient de payer des frais à une agence à vie. Je ne pense pas. Et ils n'ont rien à voir avec ces agences-là. Par contre, ils doivent bien soigner son employé, parce que c'est lui qui est l'agent producteur direct. C'est lui qui, par son travail, l'entreprise gagne. Donc, c'est pour un temps. Alors, si ce temps-là est passé, je ne vois pas pourquoi il doit y avoir des discriminations. Tout le monde doit être traité de la même façon. Si les postes vous donnent droit à tel avantage, que vous soyez citoyen ou pas, eh bien, vous avez les mêmes avantages. Mais je vais signaler une chose. Il y a, en 1964, il y a ce qu'on a appelé les Civil Act Rights, qui a été, dont le Congrès a fait passer la loi. C'était un acte qui revendiquait les méfaits de la discrimination sur le plan sexuel, sur le plan religion, sur le plan race, sur le plan... Voilà, c'était ça. Alors, dès que on a signé cet acte-là, il y a eu d'autres décrets ou encore d'autres actes en aval qui ont suivi, notamment ce qu'on a appelé les Equal Employment Opportunity. C'est les Equal Employment Opportunity, aujourd'hui, représentent un cadre ou encore des textes juridiques de base qui défendent ou encore qui interdisent la discrimination dans le milieu d'emploi. Donc, vous ne pouvez pas discriminer quelqu'un dans le marché d'emploi ou dans le cadre au sein d'une entreprise, d'une organisation de travail, parce qu'il n'a pas la même couleur que vous, parce qu'il n'est pas du même sexe que vous, parce qu'il ne partage pas les mêmes convictions en termes de choix d'orientation sexuelle que vous, ou parce qu'il n'est pas de la même religion que vous, parce qu'il n'est pas tu vois, de votre tranche d'âge. Et ces lois-là ont donné naissance à d'autres sous-lois qui existent, qui protègent par exemple les disabilities, les gens avec à mobilité réduite. Voilà, ils protègent ces gens-là. Et vous allez vous être étonné quand ces gens-là vont appliquer, on accorde beaucoup d'importance à eux. Et il y a aussi par rapport à l'âge, vous pouvez pas dire à quelqu'un que non, je peux pas t'engager parce que ta taille, ta masse, ton apparence, et bon, à moins que ça ait un impact direct vraiment sur le travail, ou bien quelqu'un qui doit travailler par ça. À l'armée, ça s'est fait. Tu vas à l'armée, il faut qu'on puisse voir que vous êtes physiquement fort, parce que votre travail va consister à faire un travail physique. Là, c'est normal. Mais si l'apparence de la personne n'a rien à voir avec le travail, et si vous refusez à la personne du travail, cette personne-là peut vous poursuivre, peut vous traduire à la justice. C'est la même chose qu'un immigré, que ce soit immigré, que ce soit natif, que ce soit, il vient de, je sais pas moi, d'où. Donc, cet acte-là, les Equal Employment Opportunity, a des garde-fous qui aujourd'hui, c'est comme le point centralisateur de tous les syndicats. Quand l'entrepreneur va à l'encontre de cela, au sein même des entreprises, il y a des directions, des régulations, des tensions de ce genre de problèmes. Vous pouvez aller vous plaindre à cette direction-là. Si vous trouvez que sur le plan interne, cette direction ne réagit pas, vous pouvez aller directement à la direction centrale des Equal Employment Opportunity pour adresser votre lettre et poser votre problème. À ce moment-là, si on suit tout le processus et on vérifie que c'est établi clairement que cet employé a été l'objet de discrimination, eh bien, votre employeur va débourser des grosses sommes sur vous. quand cela est le cas, par exemple, avec un immigré qui vient d'arriver et qu'il relève, il constate que il y a, dans l'un ou l'autre cas, il constate cette discrimination-là. Est-ce que la majorité, ils ont le courage de le dénoncer ou ils sont sous la coupe de la peur parce que peut-être que pour, par exemple, ceux qui travaillent avec un permis de travail ou qui sont en transition pour avoir un statut légal, comment est-ce que cela se passe? Est-ce que il cache ces affaires-là pour se garantir l'emploi ou il se lance pour rétablir ses droits? Comment est-ce qu'il se passe, cela se passe? Bon, je pense que tout part de la connaissance de ses droits. Si quelqu'un ne connaît pas ses droits, il peut pas les défendre. C'est ça d'abord la première des choses. Quand on arrive, on pense que voilà, c'est moi qui ai beaucoup plus besoin de ce travail pour pouvoir le protéger. Je dois absolument me plier à tout ce qu'on me dit de faire, à tout ce qu'on me demande. C'est par peur, parce qu'on est ignorant. C'est d'abord ça, c'est l'ignorance qui fait ça. Mais je pense que si quelqu'un connaît bien ce droit, qui vient d'arriver ou pas, qu'il ait commencé son travail récemment ou pas, mais quand tu connais tes droits, tu dois te défendre, tu dois les défendre. À moins que tu t'es dit, bon, ok, bon, voilà, je veux pas de problème, tout ça. Moi, si j'en parle aujourd'hui, parce que j'ai été sensibilisé sur ça, j'étais à l'école, je suis à l'école, parmi la matière ou certains cours qu'on a appris, il y a des points qui touchent la législation du travail, qui touchent comment travailler dans un environnement très où la diversité est très grande. Parce que les États-Unis, particulièrement là où nous sommes, à Maryland, il y a une grande diversité culturelle. Vous verrez des gens venant de partout. Alors, déjà quand vous travaillez dans un environnement multiculturel, il faut aussi connaître comment ça s'organise. Comment ça s'organise? Qu'est-ce que l'environnement professionnel vous réserve comme droit, comme garantie? Et dès que vous êtes au courant de ça, vous savez quelle instance où, quand il y a un problème, quand il y a des conflits d'intérêts, où est-ce que je dois aller? À qui je dois m'adresser? Par où je dois commencer? Quelle est la procédure? Quel est le premier acte que je dois poser? Et quelles sont les preuves qui doivent justifier qu'effectivement, il y a eu abus de la part de l'employeur. En ce moment-là, vous êtes dans votre droit, on est dans un état de droit pour revendiquer vos droits. Mais très souvent, comme vous l'avez dit, beaucoup de gens, quand ils arrivent, ils sont ignorants de leurs droits et voilà, et ils ne revendiquent rien, ils se plient à ce qu'on leur offre. Et quand l'employeur ou encore le manager sait que vous ne connaissez rien de vos droits, ils en profitent. Il vous utilise, vous en profite, il en profite, il abuse. C'est ça, c'est que ça se passe. C'est décevant, mais bon, voilà. C'est la réalité. Entre les textes et la réalité sur terrain, c'est autre chose. Mais pour ceux qui connaissent leurs droits, quand ça commence, ils savent. Quand ils parlent avec toi, si tu le ramènes à la raison, tu dis, et voilà. Ça. Et j'ai droit à ça. Voilà, il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes, hein. Des absences, des retards, beaucoup de choses. Tu vois, pour avoir manqué à l'une ou l'autre tâche, tout ça, quelqu'un peut s'amuser, commencer à crier sur vous, à vous renvoyer comme ça. Bon, si vous connaissez vos droits, vous pouvez le ramener à la raison. Mais écoute, beaucoup de gens, beaucoup d'employeurs ont payé beaucoup de grosses sommes d'argent aux employés à cause d'abus, tu vois, d'abus de pouvoir. Ça arrive. Il y a beaucoup de procès, quand vous le lisez, dites, bon, voilà. C'est ça, il faut connaître ses droits avant tout. Et puis, bon, et les défendre convenablement jusqu'à la dernière énergie. Voilà, quoi. Comparativement à ce qui se passe ici, il y a une loi qui oblige l'employeur à fournir l'équipement du travail. Donc, quand vous travaillez par exemple dans un entrepôt, la loi exige à ce que votre employeur vous fournisse les bottes de sécurité, par exemple, que vous devez porter constamment. C'est l'entreprise qui paye ça pour vous. Les gants, par exemple, des casques ou de lunettes, tout ça. Et est-ce que cela est le cas dans votre État? Les entreprises fournissent ce genre d'équipement ou cela est aux frais de la, du travailleur? Voilà, je vais répondre ça à deux volets. Le premier volet est que si le travail que vous faites exige que vous portez l'uniforme ou encore une tenue appropriée par rapport à la sécurité, à votre sécurité, par rapport à la nature du travail, eh bien, premièrement, il appartient à l'employeur de vous l'offrir. Et normalement, c'est gratuit. Alors, de l'autre côté, ce qu'on constate, c'est que il y a d'autres qui vous offrent, mais qui coupent. Ils vous disent, bon, l'uniforme, les équipements qu'on vous a donnés, ça fera l'objet des déductions de vos premiers paychecks, de vos premiers fiches de paye. Donc, vous allez remarquer que quand on vous a payé pour la première fois, on dit, bon, si ça coûtait 100 dollars, je prends un exemple. Bon, on va les diviser en 4 ou en 5 ou en 6. Eh ben, tu vas voir dans ton premier paycheck, on enlève 10, 15 dollars. Dans le deuxième, on enlève 15. Jusqu'à ce que cette somme-là sera absorbée. Beaucoup de gens le font. Je ne sais pas si c'est du vol ou quoi. Bon, mais il appartient à l'entreprise d'offrir un cadre qui offre plus de sécurité à l'employé et de lui offrir l'équipement nécessaire. Parce que quand tu signes même le contrat, il y a des papiers annexes qui ne parlent que de ça. Donc voilà, il y a des clauses qui stipulent. Voilà, souvent nous on signe des papiers, on ne lit pas, mais il y a des clauses qui disent que non, voilà, c'est la responsabilité de l'employeur, c'est la responsabilité, ainsi de suite. Il y a d'autres même qui disent quand c'est abîmé, il appartient à l'entreprise de pouvoir vous renouveler, vous donner de. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais très souvent, on remarque qu'il y a d'autres personnes qui vous donnent, mais qui vous font payer ça après. Il y a d'autres carrément qui vous demandent, qui vous envoient là où on vend ça et ils vous demandent d'aller acheter à vos propres frais. Bon, je ne sais pas comment contrôler cela, mais très souvent, d'autres aussi disent, bon, comme les gens ont besoin d'emploi, ils vont accepter tout ce qu'on leur dit. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment trop bien contrôler. Donc, ça dépend d'une politique à une autre. C'est ça la réalité, malheureusement. Il n'y a pas une loi spécifique qui établit clairement que c'est de la responsabilité de l'entreprise. La loi, elle est partielle, elle est aussi générale. Dans certains secteurs, hein, comme dans l'ingénierie, comme dans les gens qui travaillent dans des zones à haut risque, qui travaillent par exemple, dans le secteur pétrolier, électrique, dans la construction, là, c'est vraiment strict. Hein? On vous dit, il faut que vous dotez de vos techniciens des casques. De sécurité, tout ça, des lunettes, parce qu'ils travaillent peut-être là où la lumière peut déranger, ou bien les gens qui travaillent comment on appelle ça, dans les cliniques dentaires, et souvent quand on amène des enfants pour nettoyer leurs dents, tu vois, ils ont des lunettes, donc tous ces équipements-là, c'est normalement l'entreprise, l'employé qui fournit. Dans des secteurs bien déterminé, où on évite un contact avec un matériel ou avec un produit chimique, tout ça. Là, la loi est stricte là-dessus. Mais là où ce n'est pas trop, l'insécurité, la santé n'est pas trop exposée, c'est minime, c'est négligeable. Bon, on n'est pas trop regardant là-dessus. Par exemple, tu vas travailler dans, voilà, dans un magasin où le port d'uniforme, tout le monde a porté rouge, jaune ou bien jaune, rouge kaki. Bon, il n'y a pas vraiment trop à craindre, des dispositifs à craindre par rapport à un contact avec un produit. Là, c'est pas trop réglementé. Ah, mais là aussi, l'employeur n'exige pas que tu puisses te mettre dans cet uniforme-là. Si. Par exemple, tu vas voir les gens qui travaillent à Target, ils ont le haut, c'est le rouge, et puis ils ont les kakis. Tu peux pas venir au travail avec vert jaune, Et non. ça, c'est fourni par Target, par exemple. Target vous demande d'aller acheter. Target ne vous donne pas et vous demande d'aller acheter. Mais quand vous êtes là, vous commencez à travailler, de plus en plus, quand ils ont des uniformes, souvent le haut, ils ont leurs uniformes avec des mentions Target, quand ils font leurs promotions, des red cards, tout ça. Et bon, voilà, ils vous donnent. Bon, mais quand vous venez renouvellement, moi j'ai fait quelques mois à Target comme temporaire. Bon, ils m'ont demandé, ils m'ont donné les modèles. Voilà comment on s'habille ici. Kaki et le haut, c'est le rouge. Tu vas aller chercher. Tu vas Et aller là, c'était chercher. pas remboursable, donc. Non, pas remboursable, ils remboursent pas. Mais par contre, là où il y a ailleurs, là où je suis allé travailler, bon, voilà, ils nous ont donné des uniformes. Ils ont déjà leurs uniformes avec leur design, tout ça, avec les noms, tout ça. Et bon, ils nous ont donné. Mais après, ils nous ont dit qu'ils vont couper ça. Ils ont coupé. Mais il y a un autre endroit là où je suis allé travailler. Ils n'ont même pas coupé. Ils nous ont demandé, ils ont dit, bon, OK, pour travailler ici, nos agents, ils sont en veste. Vous êtes en veste, en costume, en chemise blanche, et puis en cravate. Le soulier, c'est approprié. Et par rapport, et vous envoie dans un magasin. Là où on nous a pris des mesures et puis on vous a fourni ce qu'on doit vous fournir. Ils vous disent, bon, OK, pour un temps, on vous donne deux costumes, deux ensembles, costumes, bon, cinq chemises, deux paires de chaussures, des cravates. C'est tout le monde qui a le même modèle. Ça, on ne nous a rien demandé, on n'a rien coupé. C'est l'entreprise qui a fourni parce que l'entreprise a les moyens et puis veut soigner l'image. L'apparence, parce qu'on travaille au front desk, à la réception, il faut que les gens, quand ils arrivent, vous qui êtes des premières personnes, des contacts avec la clientèle, il faut que vous donniez une apparence. Ils travaillent son design, ils travaillent sa présentation, et bon, voilà, il investit de l'argent là-dessus. Donc ça, c'est des entreprises sérieuses. Donc, ils nous ont pas coupé. Au contraire, ils disent même, quand c'est sale, si vous avez payé le lavage, Et vous venez pouvez avec des rembourser. reçus, on vous rembourse. Quand c'est abîmé, amenez, on remplace ou bien on répare. Voilà. Ça, c'est là où je travaille maintenant. On m'a pas fait payer et puis voilà. C'est ça. Donc là, l'entreprise a vraiment besoin de soigner son image. Il investit Exact. là-dessus. Et qu'est-ce qu'il gagne en retour? Parce que ici, on remarque qu'ils essayent de réduire les dépenses parce qu'ils veulent beaucoup plus gagner. Alors, ils enlèvent certaines affaires telles que les équipements qui devaient normalement doter aux travailleurs, mais ils enlèvent ça ou quand ils vous les fournissent, ils vous font payer. Donc, mais eux, qu'est-ce qu'ils gagnent en réalité? Bon, je vais répondre ça en termes de compétitivité. Quand vous êtes dans un marché co concurrentiel, aujourd'hui l'économie se bouscule dans tous les sens. Vous voulez vous positionner dans le marché, quels sont les atouts que vous amenez? Quelle est votre politique ou sur quel point vous vous focalisez le plus pour être plus compétitif que l'autre? Imagine-toi, vous entrez dans un marché ou concurrentiel, où il y a plusieurs entreprises qui offrent le même service que vous, mais ces entreprises-là, ils ont une grande part des marchés. Mais il faut que vous veniez avec une stratégie qui va vous donner la position de leader dans le marché. Alors, c'est là où l'entreprise commence à réfléchir sur comment la structure de ses coûts. Écoute, d'autres personnes peuvent se dire, bon, nous, notre stratégie, c'est d'offrir le coût le plus bas qu'aucun peut Battre nous là-dessus. battre là-dessus. Donc, on sait que si vous voulez avoir des produits de qualité, mais à un coût bas, écoute, c'est tel. C'est fini. Vous créez votre image de marque et la perte que vous faites en produisant à un coût élevé, mais en vendant très moins cher, vous les gagnez en quoi? En termes de la clientèle. Et plus la clientèle est là, plus vous, si vous êtes dans le stock, votre stock ne va pas, vous allez avoir une rotation très rapide et ça vous fait tourner rapidement et puis vous gagnez en termes de temps. Si vous devez écouler un stock dans 2 mois, vous l'écoulez dans 1 mois et plus vous reprenez les cycles, La plus vous rotation du la stock rotation est très rapide et est très très grande. importante. Voilà. Alors, d'autres personnes ils disent non, nous, c'est la qualité. Bon, la qualité est discutable, hein, mais bon, par rapport au standard, ce que les gens acceptent, ce qui est acceptable, nous, c'est la qualité. Écoute, quelqu'un peut dire, moi, je peux payer tout ce que je peux payer avec le produit de tel parce que je pense que c'est des produits de qualité. Je paye l'argent, c'est cher, mais je suis satisfait des services en retour, ce que je gagne. Vous avez bâti votre stratégie sur la qualité. D'autres, par contre, ils disent c'est la convivialité, le confort. C'est comme ça que tu verras dans ce genre d'entreprise, ils investissent sur l'apparence des employés. Vous allez dans une banque, vous voyez des gens très bien habillés, costumes propres, très élégants. Vous dites, ah, cette entreprise doit être une entreprise où il fait beau vivre. Parce qu'avoir seulement leurs employés, c'est que ils peuvent qu'offrir de mieux. Et c'est ça, c'est des stratégies, des politiques, des objectifs que l'entreprise ça signe quand il se lance dans un marché pour pouvoir se positionner plus que les autres. Bon, ils investissent là-dessus, ils intègrent ça dans le coût, mais ce qu'ils vendent et ce coût-là est incorporé. Ils font payer ça au customer, au client final. Donc, chez nous là-bas, c'est une entreprise de ils sont dans le comment la location de bâtiments administratifs. Donc ils ont des bâtiments, ils louent ça aux entreprises, ils louent ça, c'est des bureaux, tout ça. Et bon, voilà, quand ils investissent comme ça, je pense que le coût de loyer, quand vous venez là-bas, je crois votre coût de loyer, tout est inséré. Tout est inséré parce que il vous offre un cadre. D'abord, les bâtiments sont propres. Les gens qui travaillent là-dessus sont bien présentables. Il y a la sécurité 24 sur 24. Il y a tous les ingénieurs sont actifs. Quand il y a un problème, il y a toujours une intervention rapide. Donc, vous sentez vraiment, vous avez vos services à temps voulu. Alors, quand vous venez comme ça, vous voulez faire des business, vous voulez que vos business soient aussi, vos clients aussi bénéficient des bons services, vous vous placez là-bas, vous dites, bon, c'est le cadre qu'il me faut pour mes activités. Eh bien, bon, voilà, c'est à des échelles différentes. Tout ce qui est consommé comme coût, il y a toujours, dans le processus de calcul de coût, il y a toujours une marge. Parce que dans le calcul de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle le break-even, le point mort. L'entreprise, quand il fait ses activités, il commence d'abord par calculer quel est le coût correspondant, c'est-à-dire qu'est-ce que je, avec le, ce que j'ai dépensé, à quel point je peux récupérer ce que j'ai dépensé. Donc, l'entreprise qui ne connaît pas son point mort, c'est-à-dire là où ses coûts sont l'équivalent de ses recettes, il ne peut pas planifier gagner plus. Parce qu'il faut connaître d'abord ce point-là. Quand tu connais ce point-là critique, c'est maintenant que tu commences à dire, bon, si je dois produire, je ne peux pas produire en deçà de ça. Donc, je commence maintenant à produire au-delà pour que je fasse les bénéfices. Parce que à ce point ici, je ne gagne rien. Et quand on met tout, on se dit, bon, voilà, tout ce que j'ai fait, mon break-even point, mon point mort, c'est ici. Maintenant, je dois, si je dois gagner, si c'était 1000 unités, je dois aller à 5000 ou à 2000 unités. C'est là où l'entreprise commence à faire de l'argent. Et ils connaissent ça comment? Avec le coût. Donc, ce coût-là, les uniformes, les autres frais, les infrastructures, tout ça, c'est calculé d'avance. Voilà. Donc, les gens qui viennent louer des bâtiments là-bas, ils payent un montant et ils connaissent rien. Mais dans ce montant-là, nos uniformes-là sont dedans. Tout ça est dedans. Voilà. Oui, monsieur Mbaki Brown, merci pour nous avoir accordé l'interview à l'émission La Voix des immigrants sur la radio CKUT. Pour la dernière question, comment avez-vous trouvé Montréal? Je l'ai dit plusieurs fois. Quand j'arrivais à Montréal, je me suis rendu compte que comme c'était une partie de l'Europe, d'abord par rapport à, en fait, quand j'ai dit l'Europe, l'Europe francophone, par rapport à la langue, il y a les Français qui dominent, mais aussi j'ai trouvé ça, il y a une très forte diversité aussi, et particulièrement j'ai trouvé beaucoup de d'Africains, particulièrement les Congolais, j'ai trouvé qu'il y en a beaucoup. Et puis, je me suis rendu compte que c'est une ville où il y a pas mal de choses qui se font, qui peuvent encore se faire. Bon, voilà, en une semaine, je peux pas tout dire sur cette ville, mais les premières impressions sont celles-là. C'est une ville, c'est bien pour ceux qui sont francophones, qui viennent d'arriver, qui ont des problèmes d'anglais. Ils peuvent bien s'installer, s'en sortir. Et j'ai trouvé aussi, il y a beaucoup de programmes en termes d'aide sociale. C'est important aussi pour nous, immigrés, de commencer par quelque part. Ce qui n'est pas le cas par rapport à nous, chez nous, quand tu arrives, c'est l'anglais, l'anglais, l'anglais. Tu n'as pas un coin où tu te dis, bon, voilà, comme je connais pas l'anglais, je connais le français, je peux aller là-bas pour essayer un peu de me camoufler jusqu'à ce que je vais maîtriser l'anglais. Mais ici, au Canada, vous avez le choix. Quand vous arrivez, vous pouvez vous installer à la partie francophone. Et notamment, c'est Montréal qui est plus approprié pour recevoir les immigrés francophones. Merci beaucoup, CKUT et La Voix des immigrants. Vous remercie de nous avoir accordé votre temps pour l'interview. Merci et bon séjour à Montréal. Merci beaucoup. Merci. Merci.